de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. C'est le moment de Hind à Brezhoneg. Kentel Pemkan No Warnugen, Eri. Pemkan No Warnugen, 529. C'est ça? 529, ça oui. Va bien, Henri? Matré. Matré. On commence toujours par Gerhu Arvué. Oui. Les mots de la vie, quel mot va-t-on découvrir aujourd'hui? C'est un adjectif et en même temps c'est une racine qu'on trouve dans pas mal de mots. C'est lis, L-I-E-S, donc qui veut dire multiple hein, et qui désigne tout ce qui est multiple, divers. Alors c'est un mot celtique qu'on trouve également en gallois, en cornique et même en gaélique. C'est une vieille racine indo-européenne, en fait, qu'on trouve aussi en français, dans le pluriel, par exemple, hein, plusieurs, plus. Mais dans les langues celtiques, le P initial est tombé, donc ça commence par un L. Voilà. Alors, il y a beaucoup de mots qui se tournent autour de ça. Par exemple, liesek, multiple, liesekes, liesekes, pluralisme. Hein, voilà, liesdet. La multiplicité, la diversité, listed, hein. Par exemple, listed en vue, hein. La diversité biologique. Hein. Des mots, par exemple, comme peurlissant, hein, le plus souvent, on entend assez souvent peurlissant. Hein. Lise ferme aussi, polymorphe. Hein. Lise cumanantine, multipliée. Lise Cornec pour les enfants qui font des maths en breton. Polygone. Hein, polygone, oui. Polygonal. Hein. Lise Cornec, hein. Polygonal. Lister, oui. Beaucoup de mots qui tournent autour de ça. Lise Roadel, par exemple, multinational. Lister. Lister, c'est le pluriel. Hein. Bon, c'est un mot utilisé en grammaire. Hein. Voilà. Et puis, peut-être le dérivé le plus fréquent, c'est Alice, hein, qui veut dire souvent, hein. Alors, Vestreuse coin de me choix jeune, mon de rende Alice, Tigouelette, hein. Dans Yannick Villevichère, hein. Il y avait un dicton, quand j'étais gamin, que j'ai entendu souvent. Fils, Mahamad à Galice, hein. Des figues, bon marché et souvent. Je sais pas d'où c'est venu cette histoire-là, parce que les figues, c'était pas quelque chose de très répandu. C'était peut-être un marchand de figues dans les Pardons qui avait lancé ça. Fils Marama à Galice. Alors ça, on dit se conjugue, mais c'est pas une conjugaison. Mais on peut le trouver, par exemple, sous des formes comparatives. Hein. Alissor, plus souvent. Un Alissan, le plus souvent. Hein. Alissor Alissan, hein, de plus en plus souvent. Il y a un verbe aussi, Alissat, qui est avec deux A à la fin, qui est devenir plus fréquent. Voilà. Un Alistet, la fréquence, hein, on a vu Listet pour la diversité, et un Alistet, la fréquence, la périodicité. Et une autre expression aussi que j'ai souvent entendue et qu'on emploie, Tienalise à Bangdé, aussi souvent que tous les jours. Il y avait aussi Chris Brez Academy, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième, s'appelait Lieskan, parce que c'était autour du chant. Oui, autour du chant. Alors avec Lise, hein, on peut faire plein de mots. Hein. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a beaucoup de mots qui viennent de cette racine-là, en fait. On en reste là, Henri? On va en rester là pour aujourd'hui. On passe à Brezhoneg Tan Ma Tamm. Thank you.

très honnête vers vous. Ben, quel se drôle et vel juste boire vel diouzan. Krogum de dientan vel kis accustum gandelor bourdouar ager vu et war armes. Et je suis vraiment herbla d'ovil huesek, ag bon prestige vous herbla seitek. Ag bon wardache en alor bourdouar jusmat blanc mené que begual voir d'un trou, futur Edward Drow en erran gonnet gant en alor bourer yen douar. Ag spi meus vos gwell ar bla de zone, evit en alor bourer yen douar, ka am kreis breis, tout en économie ez eus olian men penefin, gant en alor bourdouar, pin vidig ez ar vro. C'est tu pérez que ve comme je derma de ze la bourdouar et vicro qui leur peine à pétra zoné vers vous. Wardache en leur politique eres, vous de rendre tout vos au bla ispici à longtemps, puis dur vos redibabes d'or président neve, vi mon noir cador république, cador veur république, trône d'Agobert ve la revanche contre le. Ag, amant, vos cas de changement d'idée, ou d'achat politique, et reste plus dur, voilà que d'ensemble, zone de bête strolad ou paroujou, d'over strolad neve, gwen gamp pempoul, armor, argoat, agglomération, zézo GP tergoech ha, zézo non technocrate, longtemps, qu'a piou jonge au moment de ce strolad GP, ha ha ha. Mais de bonne zéraïopis strolade par rouge, ou un peu dur, zo 16 bar ou zoar, à hunter camp bars, à cette uve au strolade par rouge, ou à yeille de ce plura garnoet betag, betagenes vria d'une bonne zéra on tomba de hind, hein, ma treizaine vos sterd, la catoudun du de semble de ben, gevridiges. Vite comme son temps de son endro, vraiment, Alice, ou à l'air là pour doux avec comme de son endro, qu'elle sera très sous les eaux et vite, l'acad, énergie et spa du bavro, d'asquer quand tout y'a avel. Bon, vu, je n'en observais, j'ai blé ou arzé, mais me sera, tant ma temps, me y'a un trop ou arog. Vipé ce zèle de ce grazen, énergie, zlan division, n'est que, gwals clair un trop. Sans soi de bout de là que d'un trou, bah, mis hier et traménette, mais bénéfine de ce que guet de labour et au béros, ag, bon, un beau repas, n'est l'arme ma treize, un noix que d'irré à d'orberzé, n'est que zur, vos grèdes, un drasé. Gwelle, tu vois, pis sa mot, donc, con. Comme j'en m'entends vraiment de ce ninhou, un nindouarn, qu'a été 10 heures et labour, y'a voir, ligne TGV, ligne tisoise, ma personne. Ag rog fin blad, le fait un train, au monde vous n'y sortrez pas, ils à Brest. Ouais, le dvot, pis ça m'a dvot con, mais de, pelzo, mais de lance de naffers, à bonne, torsté de von un drô. Tout de voir, franche Hollande, au échu, il ferme, war garde de république a PWB Cambal il vit je dis aux gens à peine plaçau ni wa be promette calse droit de raison da square vi j'ai bezine de carte yesu quasket bon bénéfice un trou n'est que des tombe de roc qui n'est que sur bidon dans de velin grand Paul Molac on elle grand ani le guerou un bénéfice un trou au chaume veloigne a n'est que sur banam genre de zone vous voilà un trou c'est tu vous rette de Sturmerien, der un Sturm, wie der, Jesu Guasket, a gamme, wie der Brezon, a gajusmat, Neveso, ou a bit de rande, de, Nerhans, ou bit, Zeret, gant a Redadek, putur, bit d'aul avec Redadek, hag, nanter de ze Nerhans, ou bit ro, de Skolio Diwan, hag, nanter elz, ou bit rande, tre, kevridiges, ou an de ze, au rak tres benek, dit der Brezonek. Da square, Brudon à Skignan, ne se bête, 16 000 euros. À Gagandzi, au moyen mahador, tombe trop. Bon, à Kivridigezawel, ne se bête, on t'emmerde, hein, de. À déjà, avec Combs, c'est des oredas de Gdauville, Triver, plus dur, Zirai Digla, ou à l'air, ou à Bécrou, d'oredas de, à Gmezan, le Voguet, 1050 km, quand oredas de Gdauville, Triver. Ag goud de ram déjà et tram d'autre gwen gamb à Pempoul. Bon, ne vaisseau à l'île seconde tendard Jiwas de Studet de Normand, à Neveso et Jean Maïscraigne, pour de Nuelgoa de Normand, de Noa de Ruizega Perugunla, Jean Maïscraigne, ou à Ondin, ou à Réo Biantro, compteur Corner, à Gostumor, ou à Rendach, et leur politique Eres, à Zochom, Tfeal d'Erma, d'Ivenosio. Bon, sais-tu, la Ramdan, Kenavo, Jean Maïscraigne, à Bon, moyen, scrivenez au Biantro, à Gosobedim Bonne, à Voratkav, d'Iscrido, et Veljust, Chomo, Pesnes Begret. Bon, c'est tu un temps de spéissonné et bavro, avec la ramdar oise blavesement de tout d'un dut, avec blavesement de RKB, de skip à RKB, de réseau or, wardrobe en leur guévridigues, à Tienorvégel. Blavesement d'Eric Henault. On te fait pas voir avec l'assaut, vu qu'on drasque, mais ma gade hors zone. À ma hand venait, on te blé mort, me bro. À me son de grand neige d'air fénonce, peut-tu, j'en joler, brume ma mire d'actualité, François Lélard. J'y vois d'appuis. On te blémore, me bro. On des alba crésazine, t'y vivas du juni. Vi mon d'orbe trop avro, mi oua de te jonstin. Oh, mi oua de ta jonstin, d'on t'a trop a hergo. Da velen pesa, modouan da zispen ma rougeau. Abre même mignonette, mi o pitchiloué. Mi ha donte gonte de ha pesa ma guele. Tape mame ha pichen la ket va ha loncho. A tapet me ma huren vidor trouen nain cho. Breme vi monta herio viridor en brobel. Ka son ke de en en bihan as touve dar vinogen. Ker ma bigal ou pat de zemel ker de ben. Pestoir vichen de ta guerre, mi che begueldem. Den mi je beguelet, sort de mi je clevet. Med ove hig man a ket il oui a huchelé. Var l'heure du war perger, clés oas zo la ket. Ovidant a rey, ovidant a d'air ta houd en me vek, en me basse yerke. A l'air ma zo tu de chom, plaque oise au laquet, va périr à zo scrivet de Zahidi Wale. A l'air ma vigène, guéchal, et vechopinado, et di wanda l'oustoni trovadro de nodo. O cher de norichère, cher de ma pavancho, a di wanda diawahir badirag entre jo. Un roman de ce qu'est Belzo, ou agrétir névé, mais brumé ne se met toute course, pas de calais de houté. Un guelda, mes hommes, scrivez vingt mères dédits, en noyau, un notarienne, l'air me manque de versi. Un guelda, mes trois dispens, en mes gros pénarben, on meurt dit, et guest, prenne des gars d'anglichen. D'un anglicien ven guerze, a zo la varedin, a reze zo pen vidig a do lur du sterling. Ne het braz wa ma spere din ur zidro d'arge, vel ke men se chan chaman no ke ne bet amze. A vroman eus ke bel zo vi kletu de kone, et i vroegeur a par kode zen a barde. Clevet vigen e kona, tis roi deus a perko, hag o mwede tis kona, e drista stankeno. Me het braz oa ma speret, e noz izro dage, vel, o clevet a vive a breteus ar mintin, morzili ar picarmen war a oe tintin. War a leur ger goud o hon, vise boel kalestu, et comptez aux hommes au point nos remonts de tordu. Oh, mes adeptes songeurs, pèse à mort de vos avros, ma prétaine au Québec. Pèse à mort de vos entraux, benoît peine d'un mot, au margeau marotte, droyer velmar abrement. On y navre tonnette, rien comme on te les halles. À ton asile, c'est nos bros, puis replace à Réal.